dans une association sportive. Madame, je peux vous renseigner ? Bonjour, je voudrais des renseignements sur votre association sportive, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une brochure ? Bien sûr, madame. Voici une brochure avec toutes nos activités. Est-ce que vous avez un site internet ? Non, pas encore. Est-ce que vous organisez des stages de tennis pendant les vacances ? Oui, il y a des stages d'une semaine pendant les vacances scolaires. Est-ce que je peux inscrire maintenant mes enfants au stage du mois de juillet ? Non, en fait, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Vous pouvez faire l'inscription à partir du 1er juin.